Ma couille, on est là. Monte le son, ouvre les yeux parce que là, au moins t'y es pour de bon. Ma couille, on est là. Monte le son, monte le son, t'y es pour de bon. Boomsta, frimeur à gage, toujours on est là, pas là-bas, ici. Là où le beat des os, tu veux jouer le féroce, essaie, on a tous qu'une vie ici. J'arrive comme chef venir, sans gimmick, sans prévenir. La rue c'est très strict, limite primitive, je viens pas mentir. M'en veux pas si je tire à but de beat, j'ai pris de ma vie à amortir. Développe mes vibes en zone mortuaire, tuer devient un plaisir. Babylone croit qu'on lâche, juste on laisse frire. Je viens compliquer le problème, essaie de te poser l'esprit. L'instant est grand, c'est le phénomène, est-ce que ton cœur peut tenir, appelle tes partenaires avant qu'on dise. T'as craqué seul par ma faute. De façon c'est mort, déjà mon paquet dans la soupe. Les putes aiment cracher dans ma soupe. Viens dans ma talasso. Et puis si t'as la zeb, j'accepte. Bah oui. Si ta putain de tête bouge, accepte. Bah oui. Est-ce qu'il donne chaud dans le dos ou dans le cœur? Ça dépend de mon camp, ça dépend. Est-ce que la rage peut me lâcher maintenant? Ça dépend de mon camp, ça dépend de mon cœur. Est-ce qu'il donne chaud dans le dos ou dans le cœur? Ça dépend de mon camp, ça dépend. Est-ce que la rage peut me lâcher maintenant? Ça dépend de mon camp, ça dépend de mon cœur. J'ai un genre de style que kiffe mon escouade, bébé. Avale tout jusqu'à t'en sucer les watts. Ce soir, les watts pètent. Ça change des vitrines des magasins qui se braquent, mec. Ce soir, ça traque sec. Pendant que je rappe, ça se prend le bec. Tout le monde est aïe, bref, mais ça oublie dire merci. Pas grave, le principal est d'effacer l'inertie. Y'aura pas de merci. On me laisse jouer le morceau, tout le monde se marre, ça j'aime beaucoup. Apparemment, je donne ça bien, les graines et oublie les beaux culs. Normal en matière de vibe, capable de lever le blocus. Crémeur à gage sur une prod de dingue. Ma couille, lève ton blunt. Si tu sens que ça cogne assez, des vibes à souhait pour oublier ton gun. Putain, viens, on kiffe une fois, paraît qu'on est jeune. C'est le phénomène au mic, ça vient pas du cœur, ça devient cardiaque. Écarte les vieux et laisse les mots. J'ai des lyrics qui donnent chaud dans le dos ou dans le cœur. Ça dépend de mon camp, ça dépend de mon cœur. Est-ce que la rage peut me lâcher maintenant? Ça dépend de mon camp, ça dépend de mon cœur. J'ai des lyrics qui donnent chaud dans le dos ou dans le cœur. Ça dépend de ton camp, ça dépend. Est-ce que la rage peut me lâcher maintenant? Ça dépend de mon camp, ça dépend de mon cœur. Faut de la chape, la fraîche, la zèbre, la fraîche, la vibe, la fraîche. Rev la FD, quelle coïncidence quand je cogne incident technique. Depuis le temps que je me retiens, j'avais pas prévu que ça gicle. L'insistance sur beat, sur life, sur le terrain, mais mort saison. Ça rend sportif dans les caissons. Ça roule des spliffs près de ta maison. T'as vu la fumée du volcan, attache ton cœur. C'est pas de la simulation. J'arrive membré comme une tour de béton. Ça fait marcher en équilibre plutôt qu'à reculons. Bélec avec ton chic, garde ton souffle, ça risque d'être long. C'est quand tu veux, tu pètes plomb. Depuis le temps que l'ambiance est électrique. Si ça ramène les vapeurs, ma couille ramène les tripes. C'est important, c'est pour pas que les cœurs s'étripent. J'ai du lyrics qui donne chaud dans le dos ou dans le cœur. Ça dépend de mon camp, ça dépend de mon cœur. Est-ce que la rage peut me lâcher maintenant? Ça dépend de mon camp, ça dépend de mon cœur. J'ai du lyrics qui donne chaud dans le dos ou dans le cœur. Ça dépend de mon camp, ça dépend de mon cœur. Est-ce que la rage peut me lâcher maintenant? Ça dépend de mon camp, ça dépend de mon cœur. Les inconscients veulent perdre. Ça devient cardiaque. Ça dépend. Ça dépend de ton corps. Ça dépend de ton cœur. Ça dépend. Chrysanthème, ça dépend. Gustave, ça dépend. Où t'appartient ma quête, ça dépend. Encore des têtes à rajouter à mon palmarès dans mes têtes. Problème cardiaque. Attache ton cœur.